Voici le signal horaire officiel du Conseil national de recherche du Canada. Au début du trait prolongé de métro, il sera exactement lundi, heure avancée de l'Internet. Manchette cette semaine. La brigade surfe sur la vague de Twitter. Un cours d'excuses poche 101. Le sondage de l'assiette qui sonde avec la question « Comment voulez-vous mourir? » Et on se décroche la mâchoire à cause d'une toune. Il traverse tout l'univers bien plus vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Le génie de l'infini et aussi votre animateur, Oli. Oui, merci, j'adore cette super présentation. Moi aussi. Donc, bonjour. Alors, ici Oli avec David. David. Et Narf. Le surpuissant. Oui, évidemment. Évidemment. J'avais oublié de te mettre un qualificatif. Ouais. C'est ça, un qualificatif. Est-ce que je t'en mets un à toi ou je t'en ai assez dit? Non, c'est bon. Good. Mais c'est vrai que Narf, tu sais, c'est Narf le surpuissant, Narf le tellement bon, Narf le roux. David le jaloux. Non, c'est David le légendaire. mais Oli, c'est quoi? C'est juste Oli. Non, c'est Oli le chevelu. Quoi? Oli le poilu. Ah, j'aime pas ça, on continue-tu? On continue. Donc, bienvenue à ce super podcast numéro 8, ou paire de lunettes. Et aujourd'hui... C'est aussi le signe de l'infini. Ah, hein. Bon Dieu! Mais c'est aussi le signe de l'infini. Je trouve que ça a un lien, genre, avec ce que tu disais... Oh! Mais ce que Nath disait, genre, le génie de l'infini. Oui! L'infini, comme dans... Ça se peut pas comment... Jusqu'où on peut aller dans les jeux de mots poches. On peut vers l'infini et plus loin encore, hein, Oli? Hey, paire de lunettes, hein? Ah ouais, pas un jeu de mots. Donc, aujourd'hui, nous sommes, c'est selon, là, comme vous voulez, le 10 mars ou le 17 mars. Là. Donc, Mais pourquoi c'est selon? Ben, parce qu'officiellement, on est le 17 mars, mais que la semaine passée, on vous avait dit qu'on enregistrait ça toute la même date. Sauf que comme on est la brigade SNW puis qu'on fait jamais ce qu'on dit, ben... on est rendu la semaine prochaine parce que certaines personnes avaient oublié certaines affaires puis on va laisser ça flou comme ça. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on n'est pas la semaine prochaine, on est la semaine passée parce que vous écoutez ça comme dans une semaine. Ouais. Vous faites ça, c'est ça sans attendre. Fait que bref, bonne chance pour vous démêler dans ces voyages temporels. La brigade Saint-Temporel, c'est ça qui est le fun. Fait que le prochain podcast devrait être tourné la même journée aujourd'hui, tu sais, si c'est pas trop long, si on verra. Si la cafétéria n'a pas trop de bonheur. C'est ça. Donc, pour commencer, ça doit faire 5 minutes qu'on parle de rien. Comme d'habitude. Ouais, faut pas que je me mette la main dans la face quand je parle, hein, sinon ça pogne pas. Donc, Naft, Donc, on commençait avec présent et avenir de la brigade SNW. Puis, ben, c'est Narf qui va nous en parler parce que c'est toujours Narf qui a des trucs à dire là-dessus. C'est pas vrai. Non. Ben, moi, je voulais vous parler de Twitter. Parce que la brigade, on est maintenant sur Twitter. Puis là, vous dites comme. C'est quoi Twitter? Twitter Bird. Laissez faire. Tweety the Bird. Non, ben oui, ça a rapport à ça justement, parce que c'est pas Twitter comme dans tweet, comme dans tapon. C'est Twitter comme dans tweet. Comme dans tweet, t'as laissé ses fenêtres ouvertes pendant qu'il était pas là. Puis que là, il y a des petits animaux pour tweet qui sont rentrés dans ta chambre. Exactement, ça a justement rapport avec les oiseaux, parce que les oiseaux, ils font tweet. Puis ils en parlent sur Twitter. Puis j'en parle sur Twitter. Donc Twitter, c'est quoi? C'est un peu comme une espèce de blog ou de micro-blogage. Mais qui n'en est pas vraiment un parce non que plus. C'est comme le WarioWare des blogs. Ouais, c'est mais que... c'est pas comme, dans le fond, c'est comme un Facebook, mais au lieu d'avoir tout le Facebook, t'as juste comme ton statut. Non, mais personne que... va le voir. Non, mais ça, c'est parce que l'affaire, c'est qu'il faut comprendre que Facebook a absolument copié sur Twitter cette affaire-là. Ah bon? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, c'est exactement comme tu viens de le dire, c'est le l'équivalent de ton statut sur Facebook. C'est-à-dire, tu réponds habituellement à la question « Qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? » Ou, par extension, « Qu'est-ce que j'ai d'intéressant à dire maintenant? » Donc, c'est évidemment des courts messages. C'est 140 caractères, 140 lettres ou moins. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que donc tu t'abonnes à ça, tu crées ton compte, et après ça, tu t'arranges pour que tes amis s'abonnent eux autres avec. Puis là, ben quand tu arrives pour aller sur Twitter pour poster un message, ben tu peux voir les messages de tous tes autres amis en ordre de date. Donc, tu vois les plus récents en haut. Mais à date, cet aspect-là, c'est un fail, parce que je pense que t'es la seule personne que tu connais sur Twitter. J'ai plein d'ennemis sur Twitter. Ah, c'est juste les connais-tu? Mais c'est des gens que t'as rencontré sur Facebook. Non, c'est plus non, comme... sur Twitter. Non, ben ouais. C'est un excellent moyen de suivre l'actualité. Il y a du monde, il y a des journalistes. La plupart du monde que j'ai, en fait, c'est des journalistes. J'ai Bruno Guglielminetti de La Presse, du Carnet Techno. Non, Radio-Canada. J'ai un gars qui est dans le design, qui a un site de, je pense qu'il s'appelle Design Montréal, qui envoie plein de messages pour parler des nouveaux designers. Bref, c'est tout du monde que tu connais pas. Il y a aussi des gens que je connais sur des forums, mais oui, bon, c'est sûr que c'est plus fun quand c'est tes amis. Mais comme tous les amis que j'ai sont sur Facebook, ben, sur Twitter, c'est d'autres sortes d'amis. Entre autres, récemment, j'ai appris que je suis suivi par Yoko Ono. Parce que je lui ai envoyé. Elle est encore vivante? Elle est vivante? Ouais. Mais... Elle est vivante? Qu'est-ce que tu dis là? Je sais pas, je suis ton chum et puis il est mort. Non, mais elle meurt pas nécessairement en même temps. Je sais pas, ça veut dire qu'elle doit être vieille un peu. Mais c'est ça, tout qui ça. Tu sais qu'elle veut Yoko Ono. Non, mais moi, c'est parce que j'ai vu quelqu'un qui a tweeté hey, checkez ça. Yoko Ono est sur Twitter. Fait que là, il y avait son lien vers sa page, fait que j'ai fait comme « Ah cool, Yoko Ono, follow! » Fait que je suis ses actualités. Puis là, ben, ça a l'air qu'elle suit en réponse tout le monde puis elle suit. Fait qu'elle a comme 14 000 suiveurs puis elle suit 14 000 personnes. Elle suit 14 000 personnes. Non, mais d'après moi, elle fait juste... Ça, radio, là, mais ça s'affiche tout dans sa... C'est ça l'affaire. Mais est-ce que c'est la vraie Yoko Ono? Ou c'est juste comme son attaché de presse? J'ai lu un peu ce qui est écrit et je dirais que oui. C'est ça a vraiment l'air de elle qui parle. Genre, mais c'est sûrement pas elle qui lit tout qu'est-ce que les autres disent. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est ça qu'il faut comprendre sur Twitter, c'est que Twitter c'est pas comme un blog. Un blog, tu veux tout lire, les messages, les billets de la personne qui écrit. Sur Twitter, tu veux pas tout lire. Sur Twitter, t'arrives sur ta home page, t'en as une vingtaine qui sont affichées, tu lis les 20, puis tu te casses pas la tête à tout lire. C'est Twitter, c'est... Il y a quelqu'un qui a justement écrit quelque chose d'assez fantastique, c'est comme une rivière. Tu veux boire à la rivière. Tu veux pas essayer de tout boire à la rivière. Parce que tu peux pas. C'est un défi intéressant, par exemple. Je veux dire, j'ai pas tant de... Je suis pas tant de personnes que ça. Puis pourtant, je veux dire, j'essaye même pas de tout lire parce que ça produit beaucoup trop. Okay. Donc, tout ça pour dire que, étant donné que Twitter est une grosse mode actuellement, que c'est comme le site avec l'expansion la plus rapide, je veux dire, de l'Internet au complet, là, c'est le site qui grossit le plus vite. Alors évidemment, la brigade, on s'est créé un compte là-dessus. L'adresse, c'est twitter.com/brigade/snw. Et puis, j'ai évidemment mon Twitter à moi aussi, c'est twitter.com/narf/snw. C'est mélangeant, ça se ressemble trop. Ça se ressemble trop? En tout cas, fait que, allez checker ça. Abonnez-vous à Twitter et abonnez-vous à notre fil de Twitter parce que... On écrit plein de choses intéressantes comme des pigeons qui rentrent dans ma chambre. Mais ça, c'est pas sur le tien. Oui, c'est sur le mien. Ok. Ok, en tout cas. La brigade, elle écrit-tu des choses intéressantes? Oui. Elle écrit des choses comme on a enregistré le podcast, on s'est chicané tout le long. Party! Comme d'habitude. Mais. Tu peux rigoler à chaque mois. Ok, ben merci, Narf. Fait que maintenant, on va pouvoir suivre ta vie sur Twitter. Ouais. Puis, quand ta vie va être finie, ben là, on te suivra plus. Là, j'essaie de faire un lien, mais je sais pas trop comment le continuer. Moi, je trouve ça dur. Tu parlais de vie, tu parlais donc de mort. David, il veut nous parler de quelque chose d'un petit peu plus déprimant. Il y a quelque chose à nous dire à propos de la mort. Ben, peut-être qu'il va t'expliquer comme quoi faire avec ton Twitter quand tu vas mourir. Non, je vais pas t'expliquer comment. Ben, oui, mais non. Parce que ma chronique, c'est pas vraiment sur la mort, mais c'est plus pour des excuses poches pour mourir. Ah. Tu sais, pour, t'sais, pourquoi on aurait envie de mourir, tu sais, parce que la mort, c'est sûr que si on pèse le pot pis le compte, ben, il y a quand même des avantages à mourir. Tu sais, pis je parle pas des petits avantages de IMO, là, mais ça, c'est du bâchage gratuit, fait que je vais juste passer. On aime le bâchage gratuit. On va pouvoir remettre la très importante liste des choses qu'on bitch. Oh, oh yes! IMO! On pourrait aussi mettre la toune Monsoon. Mais on va mettre une toune un peu meilleure que ça. Non, non, je veux dire dans la liste des choses qu'on bitch. Parce que là, on est en train de bitching Monsoon. Ouais. Ouais, on va pas mettre ça à la fin. Non. Mais qu'est-ce que tu voulais nous dire à propos de la mort? Je voulais vous parler en fait d'un livre que je me suis procuré il y a genre l'été passé. Un livre? Oh oui. Mais pas comme un format minimum pour parler de livre. Parce que non, en tout cas, là je marchais genre sur Mont-Royal, puis on arrête dans une librairie d'occasion. Là je vois genre un livre qui est écrit dessus « Sans bonne raison d'être mort ». Là je trouve ça bien drôle, je le lis en entier. Dans la librairie. Dans la librairie, puis là je fais... Bon, c'est drôle un peu, je vais sûrement trouver de quoi dire avec, fait que je vais l'acheter. Je pense qu'il coûtait comme 2$, fait que ça me dérangeait pas de l'avoir lu au complet en 5 minutes. Là, j'aimerais préciser que le livre fait à peu près 8 cm. Carte de crédit. 8 cm, ouais. Format carte de crédit. En plus ouais. Épais. Épais il, comme ouais. D'à peu près 50 pages, à peu près. Non, 100 pages. Ah. Il y a 100 pages, mais faut dire que dans le fond, c'est un livre qui est rempli de 100 bonnes raisons, donc une raison par page, 100 pages, on veut des exemples. Ah, c'est vrai? Non, mais c'est 100 pages, mais il y a 50 feuilles. Bon, ok, c'est pas ça que je disais. Ok, mais, dans ce cas, ça c'est comme moins intéressant. Mais on veut des exemples. Là. Puis là, attends. Puis là, juste pour continuer un peu mon historique, c'est Philippe Héraclès qui a écrit ça. Puis il y en a. Un dieu, ça, Héraclès. Il y en a. Une épée au-dessus de la tête. Ça, c'est Damoclès. Ah. Puis il y en a écrit d'autres comme. Sans, c'est pas une maladie, ça. C'est l'herpès. Avec la média. Ah. Ouais. Il y en a écrit d'autres. Non, mais c'est une maladie. Attends, les non, petits jeux de vos poches. Oui, mais moi, il était bien introduit, moi, contrairement à toi, à Oli. Ben oui. Hey, de toute façon, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Ta gueule. C'est ça, c'est Philippe H qui a écrit ça. Okay, cool. Puis il y en a écrit d'autres comme genre 100 raisons qui prouvent que t'es un homme, puis les 100 meilleures déclarations d'amour. Je pense que c'est... On veut des exemples. Mais bon, on veut des exemples. Exemple. Là, j'avais trouvé une couple d'exemples, mais là, je vais essayer de... On va voir qu'il retrouve. David a oublié sa feuille. Je vais prendre une page au hasard, je vais toutes lire celles qui sont, parce qu'elles sont pas toutes bonnes, j'avais trouvé comme toutes les meilleures. Elles sont pas bonnes. Ok, bon. Bon, c'est ça, fait qu'on voulait des exemples. Premièrement, une des bonnes raisons d'être mort, c'est « On a annoncé par erreur votre mort dans le journal et vous n'avez pas le courage de démentir. » Ouais. Ou TVA avait passé un reportage à Manu sur oui, la mort. Oui, Madame qui était morte. Puis elle était pas morte. Elle a trouvé ça bien drôle. Surtout quand ses amis l'ont appelé pour lui souhaiter une bonne mort. Ouais. Ou bien, il y a aussi « Vous voulez enterrer une bonne fois pour toute votre vie de garçon. » Ah, ça c'est. C'était une fille, c'est un jeu de mots ça? Ben, tu meurs pas. Ah, ok. Puis là, il y a aussi, vous avez des envies de meurtre et vous préférez vous supprimer vous-même que de tuer quelqu'un d'autre. Ah, il y avait un roman parce que j'ai passif. Pas lu dans mon cours de. Dans un de mes cours qui était justement de tuer. Ah ouais? Ouais, c'est un. Je l'ai pas lu là parce que c'était même trop plat, okay. Mais le prof nous en a parlé. Mais en rappel, il y a ça. Aussi. Il y a une épidémie, vous voulez faire partie des statistiques. Puis il y a aussi, cool. Puis y a aussi votre blonde, c'est une freak du ménage, puis ça vous fait sourire un peu, fait que vous avez envie de redevenir poussière juste pour la faire chier. Ça était bonne. Fait que là, je voulais savoir si vous, mettons, vous aviez des imaginations, un petit peu d'imagination, si vous étiez capable de vous inventer une excuse pour mourir. Parce que ce que j'ai fait, c'est qu'en lisant le livre, j'ai essayé de trouver les citations qui vous collaient le mieux, puis je vais voir genre si ça se ressemblait un peu. Ben, t'es un musicien puis tu veux devenir célèbre. Ah, il y en a, t'en parles là-dedans en plus. Ouais, ouais, pour devenir célèbre, je veux dire, dans n'importe quel domaine, il faut absolument être mort. Ouais. Parce que ben, j'en avais trouvé une. Ah, vous voulez être nommé comme un saint? Tu sais, on dit ça, ouais, sanctifié par l'Église. Canonisé, ouais. Okay. Faut être mort. Parce que genre. Aussi avoir fait des miracles. Ouais. J'ai personnellement jamais fait ça. Ben, il faut attendre d'avoir fait un miracle en mourant. Après votre mort. Mais. Mais tout ça pour dire que j'avais trouvé comme des bonnes excuses pour que vous, Naf et Oli, vous mouriez. Ah, d'ailleurs, Oli, l'excuse que tu pourrais donner pour mourir, c'est... Mais en tout cas, c'est pas les mots exacts, mais ça ressemble à... j'aimerais ça me lever à tous les jours, mais il me semble que le repos éternel est bien plus attirant. Parce que Oli est vraiment paresseux. Non! Absolument pas. Naf, c'est... Il y a une page pour moi. Ben, je pense que je m'en rappelle vraiment. Ça doit avoir un rapport avec des roues. Non, mais. Vous voyez, la raison, c'est que vous êtes roux. Non, vous voulez vous faire passer par un 18 roux. Bon, Naf, la tienne, c'est. Ça ressemble à. Vous avez vraiment envie que les gens parlent de vous en bien. Fait que vous voulez mourir, puis en plus, vous avez vous-même écrit votre éloge funèbre. Comme ça. Comme ça, c'est sûr et certain que les gens vont dire ce que tu veux, puis. Ah, c'est une bonne idée, ça. D'écrire sa propre éloge funèbre. Tu peux écrire des trucs comme... tu sais, tu meurs. Mettons, moi, je meurs, puis je dis dans mon truc funèbre, Angèle, t'es conne. Ouais. T'sais, envoyer chier toutes les personnes que j'ai. Ouais, en tout cas, au moins, on vient d'enrichir la liste des choses qu'on bitch. Ouais. Oh! On aime ça. Puis moi, ça n'a pas vraiment rapport, mais c'est parce que c'est encore à cause de toi, Ellie. J'ai pété ton punch. Non, mais c'est encore à cause de toi. Ça dit que j'ai peur du réchauffement climatique, fait que je vais aller me mettre au frais dans la terre. C'est à cause de ta foutue colonne de plasma. Ça n'a pas rapport avec le réchauffement, ma colonne de plasma. On parle de deux podcasts avant, là. La colonne de plasma? Ça fait longtemps, la colonne de plasma. Tu veux dire deux, comme, six mois avant? Non, le podcast est sorti il y a peut-être deux semaines. Oui, je t'expliquerai tantôt. Bon, ben, David, à cette heure que tu nous as parlé de la mort, on pourrait peut-être comme demander un second... Attends une seconde. Je veux dire, il n'y a pas rien que David que son téléphone sonne pendant les podcasts. Ben, la seule fois que c'est pas moi qui ça fait ça, c'est... C'est mon téléphone de brigade, là. Ben, va-t'en plus loin. Va-t'en plus loin, pas de bien. Okay, bye. Bye. Bon, ben, c'est ça. Maintenant que tu nous as donné ton opinion à propos de la mort, on pourrait demander comme un second avis, tu sais, comme quand on va voir le médecin. Là. Oh! Genre, si tu meurs, là, ça va voir le médecin. Non. Un deuxième avis pour être sûr que t'es mort. Non, mais sur le sujet. Fait qu'on pourrait inviter, comme, je sais pas, moi, as-tu une idée? Genre l'assiette qui parle, parce que c'est toujours elle que... Ouais, ah, on pourrait inviter sa cousine, l'assiette qui jase. Bonjour, ouais, mais... je suis l'assiette qui jase. Mais on n'est pas dans le temps du festival de jazz, tu sais, l'assiette qui jase. Oh, vas-tu nous manger aussi? Oh! Oh, vache! Pas sûr que je l'aime, celle-là. Bon. Jeu de mon doute. Ouais. Donc, la question cette semaine, pour rester dans le sujet, c'est... Comment aimeriez-vous mourir? Évidemment. Donc, comment ça, évidemment? Ben, tu sais, je veux dire, si on le voyait quasiment pas venir, hein? Non! C'est ça. En tout cas, mais l'assiette, c'est sûr qu'on sait comment est-ce qu'elle va mourir. Je sais pas comment est-ce qu'elle veut, mais elle va sûrement mourir échappée. Oh ça, non! C'est la fin de toutes les assiettes. C'est un peu triste. Ça va-tu bien l'assiette? T'as pas l'air dedans aujourd'hui. Mais là, tu m'as un peu déprimé, là. J'ai comme peut-être envie de me suicider. Et tu vas faire quoi? Tu vas sauter en bas de la table? Non! Mais ça ressemble un peu à ce qu'on disait la semaine passée. Dans le fond, c'est en lien avec le podcast la semaine passée parce qu'on parlait d'Amélie Poulain. Dans Amélie Poulain, il y a un poisson, il y a un poisson suicidaire qui se pitche en bas de son bocal. Oh, que... ouais! Il y avait rien après ça. C'est juste oh, ouais! C'est trop le king du bien. Donc, mais toi, l'assiette, sérieux, comment est-ce que t'aimerais ça mourir? T'as pas une petite idée? Non. Allez, commande! Ben, en tout cas, j'ai parlé de te faire échapper. Quelqu'un qui mais va... ça, c'est plate. C'est pas comme ça que j'aimerais mourir. Ah, ben, t'aimerais mourir... Quelqu'un qui va y aller trop fort avec son couteau? Non! Quelqu'un qui t'oublierait sur le comptoir? Wesh, non! Tu vas pas mourir? Ben oui, parce que quand tu te laisses trop longtemps sur le comptoir avec des résidus, tu moisis, puis après ça, au lieu de te laver, tu te fais mettre dans les poubelles. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'avais la vaisselle moisie. Je l'avais dans les poubelles. Combustion spontanée? Non! Tu veux faire perdre dans la laveuse, un peu comme les pailles de bas dans sa chambre. Oui. Est-ce que vous m'obligez? Ben oui. Ben j'avais encore des questions. Ah oui? Ben, t'aimerais ça te faire recycler? Ah, c'est pas bête, ça! Mais... Si tu veux vraiment mourir, c'est comme de la réincarnation. Oh! C'est le fun de mourir en s'incarnant. Finalement, je pense que je préfère ça que ce que je pensais. C'est quoi ce que tu pensais? Mangez! En tout cas, ça, là! Je vais pas le dire au complet! Ok. Ok, c'est bien! Ben, si vous trouvez pas que c'est une bonne idée, mourir de... D'être mangé! Non, mourir de pas faim! De... Mais quoi? Mourir de comme plus avoir faim! Ah, oh, parce que toi, t'as mangé! Ben oui! Ah! Oh. Oh. Tu manges tellement, pis c'est comme mourir de plaisir selon la suite. Ben, je sais pas, moi, quand je mange chaud dans un buffet, j'aime pas ça. Ok, d'abord, je vais mourir de faire du breakdancing. Bon, ben, l'assiette, écoute, ça devient un petit peu comme chaque fois, comme tous tes autres cousins, ça vient plat. Fait qu'on va demander à David comment il aimerait ça mourir. Hey, c'est bien pas fin! Ben, en tout cas. Ben, moi, c'est sûr que je suis légendaire, donc la seule personne qui peut me tuer, c'est moi-même. Tu sais, comme la seule chose qui peut rayer un diamant, c'est un autre diamant. Donc, la question dans mon cas serait plus comment est-ce que je vais mourir, pas nécessairement comment est-ce que j'aimerais mourir. Parce que moi, dans le fond, c'est sûr, il y a certain qu'il y a juste une manière de mourir. Puis, évidemment, mais c'est dans la réponse, c'est dans un affrontement contre Chuck Norris. Puis, ben, évidemment, c'est lui qui va gagner parce que c'est Chuck Norris. C'est pas, je pensais déjà comment ça va finir. Ben oui, c'est ça, parce que c'est ça que j'ai la question, c'est comment est-ce que je vais mourir, parce que c'est sûr et certain qu'il n'y a aucune autre manière que je vais mourir que ça. Oh, fait que là, t'attends que ça arrive. Ça va être plate comme film, comme ouais, David contre Chuck Norris. Bon, en tout cas, j'ai appelé Nash sur son téléphone de brigade pour qu'il me dise comment il aimerait mourir. Il doit avoir deux lignes là-dessus. Là. Tu penses? Bring. Allô? Nash? Ouais, pourquoi tu m'appelles sur ma main, là? On est en train de faire le sondage. Ceci est un répondeur. Parle à ma main. Pip! T'inquiète. On est en train de faire le sondage, puis on voudrait savoir comment t'aimerais ça mourir. Moi, j'aimerais ça mourir genre comme un héros. Tu sais, comme un martyr, là. Mais vu que comme ça fait mal, ces affaires-là, ben, je préfère plutôt comme faire à croire à tout le monde que je meurs comme un martyr, mais comme pour être un héros, mais que ça fasse pas mal. Parce que pour être un martyr avec la couronne de pique sur la tête, ça me tente pas fou. Pas mal. Non, lui, tu as presque fini. T'as-tu presque fini ton appel? Ouais, je m'en reviens, là. Ça sera pas long. À qui tu parles? C'était long! Ouais, je m'en reviens, À qui tu parles? Je peux pas te le dire tout de suite. Bon, c'est une ligne 1-900. Non, c'est pas ça. Bye! Ok, bye! Bon, ben, moi... je me suis demandé comment j'aimerais mourir. À qui tu parlais? Continue, puis hey, il y a là. Qui interrompt, là. J'étais toujours là, puis vous me parliez plus, fait que je m'ennuyais. Je parlais à Nar. Il nous a dit qu'il voulait se faire manger parce qu'il voulait mourir comme une myrtille. Fait que là... je pense que t'as un petit peu compris. C'est bien. Je me suis demandé comment j'aimerais mourir. Puis, ben, la seule solution que j'ai trouvée, c'est comme, ben, pas. Je veux pas mourir, là. C'est bien poche comme question, ça. Donc, vous, cher public, je sais pas si vous autres, ça vous tente de mourir, là. Je voudrais savoir comment vous aimeriez ça mourir. Ouais, puis essayez de mourir d'une manière plus le fun qu'un livre qui veut pas mourir. Parce que sinon, ben, on va rien avoir à raconter dans le prochain podcast. Ça sera pas drôle. Ouais, si tout le monde appelle pis dit genre, pas sur notre répondeur, ben, ça sera pas un gros message. Fait que dites-nous comment vous voulez mourir. Appelez-nous sur notre répondeur au 514-90-PIRATE ou écrivez-nous par email à brigade.snw@gmail.com. Donc, l'assiette, on t'a assez vu, là. Tu peux t'en aller. Bye bye, je m'en vais me coucher. Puis si tu croises Nord, dis de revenir. Bye bye, je m'en vais me casser. Dis à Nord de revenir si tu le croises parce que là. C'est long son affaire. Bon, il est venu. Ah, tu croises l'assiette? L'assiette? Ok. L'assiette jazz. L'assiette jazz, ouais. Ah, l'assiette qui parle? Ouais. Ouais. L'assiette qui parle, hein, chez nous. Je vois pas de quoi vous parlez. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu, hein? Hein? Ça fait longtemps que tu l'as pas vu, hein? Ouais. Ok, c'était qui là au téléphone finalement? Ah, c'est un faux numéro. Quoi, pendant comme 10 minutes? Ben, je veux dire, c'est un fatigant, tu sais, comme... Tu jazzes longtemps avec tes faux numéros? Qu'est-ce que c'est supposé vouloir sous-entendre, ça, que j'ai pas compris? Ah, donc, mais... t'es juste un gros verbomoteur. Je veux dire... Verbomoteur? Tu parles 3 minutes pendant qu'on est... tu parles 3 heures à nous, fait que tu parles genre une demi-heure à tes faux numéros. En fait, ce que David essayait de te dire quand il t'a dit que tu jazzes, là, c'est que... Il essayait de te rappeler que tu ressembles à Woody Allen. Ah. Ah, oh, je pensais que je ressemblais à la cible. Parce que tu sais, il est venu au festival de jazz, fait que c'était comme un message subtil. Ouais, c'est ça. Ben oui, il était passé. Fait que parlant de jazz, on est rendu au super bout musical de la création du podcast. Shit, le lien, ouais. Mais c'est un pas problème de jazz. C'est pas grave, c'est de la musique. Oh. Fait que là, David, tu veux nous présenter une toune avec un nom long de même, là? Ouais, c'est ben, long de même. Ouais, vous le voyez, là, de ouais. Même. Moi, je me suis pas donné ouais. Le trouble de l'humé. C'est, en tout cas, j'ai passé grave. Ouais, j'ai mis ma main tantôt, j'ai mon téléphone de bugger. Ouais, parce que je le voyais. Mais, dans le fond, je vais vous présenter une toune, de Pink Floyd, mais pas une toune que tout le monde connaît, c'est genre, sur leur quatrième album à vie. Qui s'appelle Umaguma, pis c'est le premier genre qui avait vraiment un concept. Tous les membres du groupe se sont dit, on va toutes composer une toune, puis il faut que ce soit psychédélique, fait que c'est des tounes d'environ 10 minutes, c'est super cool. Ben en fait, non, c'est pas super bon. C'est pas toujours 10 minutes les tounes de Pink Floyd? Ben non. Pis, que oui. Ben non. Mais en tout cas, puis le titre de la toune que je vais vous présenter, c'est Several Species of Small... Je vais recommencer. Several species of small furry animals gathered together in a cave and grooving with a pick. C'est ça le titre. Je vous entends déjà me demander, mais est-ce que ça rentre en arrière, écrit sa pochette du disque? Puis ben oui, ça rentre. C'est ça, il y a juste 4 tonnes. On le répète ça en français, pour le fun. Plusieurs espèces de petits animaux à fourrure qui oui. Sont toutes qui sont toutes rassemblées ensemble dans une caverne, puis qui font une party avec un pict. Ça, je sais pas comment le traduire, parce que... en fait, le pict, c'est un genre de tribu africaine. C'est genre un membre d'une tribu africaine. Ok, ouais. Puis ce que j'aimerais dire aussi, c'est que... Y a-t-il aussi des diamants fous dans le ciel? Peu importe, je vais juste oublier ce commentaire-là. J'aimerais ça dire que... Lion, Lucy in the skies in the diamond crazy. Continue David, c'était plus intéressant. Ok, c'est pas que je trouve pas ça intéressant, mais je trouve que ça commence à devenir long, fait que j'aimerais ça dire que même si les membres de Pink Floyd étaient un peu déçus par les résultats, l'album a quand même connu un grand succès. Puis ça c'est encore plus intéressant. Ben ça c'est en fait ce qui est vraiment la seule chose intéressante à propos de cette tune là, c'est que à 4 minutes 32 très exactement. On peut entendre le guitariste David Gilmour dire « That was pretty avant-garde, wasn't it? » Donc, en français, c'était très avant-gardiste, n'est-ce pas? Puis il dit ça, mais on l'entend pas vraiment parce qu'il faut le faire jouer au super ralenti. Va le faire jouer au super ralenti pour l'entendre? Ben non, vous le ferez jouer au super ralenti si ça vous tente. Non, non, mais moi je dis qu'on écoute là tout de suite qu'est-ce que ça donne. Ok. Ah, c'était très avant-garde. Mais je sais qu'on n'entend pas super bien, mais écoutez-les comme du monde une couple de fois, puis dites-vous en même temps la phrase dans votre tête, puis vous allez voir, vous l'entendrez. On va vous aider à l'écouter plusieurs fois, on va la réécouter encore. Wow. Ok, mais là... On l'a mieux compris, là. On l'a assez entendu, là. Ok, mais d'accord, j'ai une question, parce que... C'est que, ben, c'est ça, là, au lieu d'entendre juste ce petit bout, on va écouter la tune au complet. Thank you. haïku de la semaine. Bite, bit, bitten, grrrr. Conjuguons le verbe mordre. Je tuais le mort, mort. Bon, ben c'est sur ces magnifiques bruits de savane africaine que se conclut le podcast. C'est pas une savane africaine, c'est des animaux dans une caverne. T'as rien à voir avec une savane. Vous pouvez éviter de vous chicaner avec la tune en background. On conclut notre podcast numéro 8. Et puis, ben nous autres, on s'en va mourir. Salut! Ah, oh, cool! Ça me tente pas, moi non plus. Mais avant, c'est pas marrant. And the wind cried.